Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Ma hiya al-as'ila allati akhadhna fi ad-dars al-madi? Indak question qu'on a prise. Awalan wa aywa. La min nabiyyuk akhadhna adhun sah ana akhadhna ams. On a pris hier, ouais. Après? Là, comme là. Oui, ça on l'a dit, mais il y avait une, il y en avait une avant. Tu as ta religion, afin qui est ton prophète et. Ah, ouais. Quelle est la première obligation sur le serviteur? Summa. Ma ma'na la ilaha illallah. Wa l'akhir. Ma ma'na Muhammad Rasulullah. Naam. C'est quoi les piliers de la ilaha illallah? Je n'ai pas dit le sens. Il y a des piliers. On a dit qu'il y a deux piliers dans cette attestation. La négation. Arsente, négation. L'affirmation. Et l'affirmation. Elle n'a fait Elisabeth. Arsente. Non. Oma ma'ana Mohamed Rasulullah. C'est quoi le sens de Mohamed et le message d'Allah? Ça veut dire quoi? Celui qui a été envoyé avec. Il y a une coupure. Ça a coupé. Ah, mais c'est revenu. Il y a des musiques. Attends. Ah, fois, il y a une coupure. Des fois, ça arrive, il y a des coupures vite fait. Ça reprend. Non. Taïeb. Alain, c'est nouveau, Asile. في السؤال التاسع يقول إذا قيل لك ما هو حق الله على عباده si on te demande quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs وهذا يتعلق بما أخذنا من قبل c'est en relation ce qu'on a pris auparavant qui est le but de notre création. Donc le droit d'Allah Azzawajal, c'est celui-ci. فَقُلْ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِي أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَوْ شِرِكُوا بِهِ شَيْئًا Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et ça, c'est pris du hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il était d'ailleurs le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur Anan, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Mu'adh ibn Jabal, atadali mahkou Allah ala al-ibad » وما حق العباد على الله فقال الله ورسوله أعلم فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا فيتكلوا donc la preuve c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était avec Mu'adh sur Anan Mu'adh était derrière lui il lui a dit oh Mu'adh sais-tu quel est le droit d'Allah sur le serviteur Il a dit, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il a dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, le droit d'Allah sur serviteur est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Non, le tawhid. Et le droit des serviteurs, c'est qu'il ne châtiera pas celui qui n'aura rien associé. Et ensuite, Mu'adh, il a dit, Puis-je en faire la bonne nouvelle aux gens ? L'Abbé Sam l'a dit non. Sans quoi les gens vont se reposer là-dessus, ils ne vont pas agir. C'est-à-dire, ils vont se dire, c'est juste ça. Voilà. Donc, c'est ça le haq d'Allah sur nous, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Et adorer Allah et ne lui associer rien. Et quand on dit le droit dans la, des serviteurs sur Allah, ce n'est pas un droit dans le sens, mais c'est juste une chose que Allah s'est rendu obligatoire à lui-même. Sans quoi Allah, il ne doit rien. On n'a pas droit sur Allah, Azzawajal. Allah nous a gratifié par cela. C'est-à-dire, sans quoi on n'a aucun droit sur lui. Et ce hadith est également une preuve que parfois il est permis de cacher le ilm. Car le savoir, des fois le ilm, peut être une fitna pour des gens et apporter un plus grand mal. Car il a bien dit à Mouaz de ne pas apporter cela aux gens. Parce que les gens, s'ils entendent ça, ils vont se reposer sur le simple fait de dire « Ouais, je ne fais pas de shirk. » Et à côté de ça, ils font le lemar assis. Par contre, Mouaz, il a cité ce hadith avant de mourir par peur de cacher le ilm, mutlaqan. Donc avant de mourir, il l'a dit. Mais du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait. Donc des fois, il y a des choses qui peuvent être dites en privé et qui ne doivent pas être révélées à tout le monde. Car les gens pourraient ne pas comprendre. Ou mal agir. Ou autre. Et t'as même des gens, on l'a vu, Allah, ils étaient meilleurs en étant ignorants. Quand ils ont commencé à apprendre, ils ont commencé à changer. Le ilm, ils n'ont pas eu le tawazur qu'elle est avec, l'humilité qu'elle est avec, ou quoi. Et ils ont changé. Ils ont dévié. Ils sont devenus hautains. Et autres. À cause du ilm qu'ils ont pris. Du moins pas à cause du ilm, ça fait Allah. On va dire à cause de la... C'est dans leur cœur, en fait. Mélanger au ilm, ça a amené à ça. L'ignorance était meilleure pour eux. Non. Donc Allah Azzawajal ne châtiera pas celui qui ne lui aura rien associé. Et ce hadith peut être pris comme une preuve bi mafhum al-mukhalafa, par une compréhension d'opposition, que celui qui lui associe sera châtié, c'est-à-dire shirk akbar ou asrar. Sauf que le akbar, ça sera un châtiment continu éternel. Et le asrar, ça sera un châtiment partiel. D'accord, ce hadith peut également, puisqu'on l'a, que celui qui meurt sur le shirk asrar, il sera forcément châtié également. Mais temporairement. Après, il ira au Jannah. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas peur de nous, de shirkain, jami'an. Min an-nu'ayn, jami'an. On a peur des deux. Du akbar et du asrar. D'accord ? Et il ne faut pas oublier, commencer à se mettre dans la tête, comme des gens le disent, souvent le mot petit shirk, comme on explique, qui lui minimise la chose. Le mot petit n'a pas sa place. Tout ce qui est dans le shirk est forcément immense. D'accord ? C'est juste qu'il y en a un qui est pire que l'autre. C'est tout. Mais il n'y a pas de petit dans le shirk. Il n'y a pas de petit dans le shirk. Thumma qal fi su'al al-ashir, dixième question. Fa'idha qila lak ma huwa ash-shirku. Qu'est-ce que le shirk ? Qu'on traduit par association, qu'on peut traduire par polythéisme, qu'on peut traduire par idolâtrie, qu'on peut traduire par différents termes. Mais le vrai terme linguistique qui correspond, c'est association. En réalité. Mais souvent, quand tu dis aux gens association, ils ne réalisent pas ce que ça veut dire. Quand tu dis polythéisme ou idolâtrie, ils voient plus là où tu veux en venir. Donc, si on te demande qu'est-ce que le polythéisme ou association, فقول هو عبادة غير لله عز وجل فكل ما كان عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك. Donc il a dit que c'est l'adoration d'autre qu'autre que Allah. Le fait d'adorer autre que Allah عز وجل. Toute adoration n'est que pour Allah et à partir du moment où elle est tournée vers autre que lui, cela est du shirk. D'accord ? Car toute association lui est à la base exclusive. Wa dalilu qawlu ta'ala wa a'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah et ne lui associer rien. Et ce verset, il est wadih. Il est clair. C'est un ordre et une interdiction. L'ordre de l'adoration. L'interdiction de l'association. من أحسن التعاريف التي ذكرت في شأن الشرك هو تسوية Ghaylillah, billah, fima wa min khasaisillah. C'est le fait d'égaliser avec Allah, autre qu'Allah avec Allah dans ce qui est propre à Allah. On en avait parlé, le fait d'égaliser ne veut pas dire que tu mets forcément au même niveau. Mais du moment où tu auras donné une chose qui revient à Allah, à autre que lui, tu auras égalisé. D'accord ? Même si c'est une fois, même si c'est une adoration par rapport à plein que tu en fais pour Allah Azza wa Jal, ça rentre dans ta souya. Donc ça, le shirk. Et souvent, les gens, quand tu leur parles, ils imaginent que, lorsqu'on traduit le terme idolâtrie ou quoi, ils pensent que c'est adorer une idole, une pierre. On dit ça, c'est une forme de shirk. Ça va plus loin que ça, le shirk. Ça, ça rentre dedans. Mais ce n'est pas que ça. À partir du moment où tu donnes à autre que Allah ce qui revient à Allah, tu as fait du shirk. D'accord ? Que ce soit dans des actes apparents, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes du cœur. Actes du cœur, on a parlé dans Usul Salasa, le tawakkul, par exemple, la confiance, la peur, qui est la peur d'adoration, l'espoir, la crainte, d'accord ? Ça, c'est parmi les actes du cœur, parmi les actes du monde, des membres, mathalan, la prosternation pour autre qu'Allah, l'inclinaison pour autre qu'Allah, le sacrifice pour autre qu'Allah. Et parmi les actes, par exemple, verbaux, les paroles, jurer pour autre que Allah Azza wa Jal, invoquer autre que Allah Azza wa Jal. Mais que tu regardes bien, tout ça, ça revient à une chose qui revient à la graine du cœur, qui est que ton cœur s'est accroché à autre que Allah. Dans une chose que seul Allah peut t'apporter. Tout revient à cette base-là, le shirk. Après, ça se retransmet par les actes ou par les paroles. Donc ce shirk, il est le pire des péchés. Et le akbar minhu. يخالل صاحبه في النار ويجعل دمه حلالا ودمه وماله تمام ويحبط الأعمال كلها. Ce shirk akbar, celui qui meurt dessus ira éternellement au feu, que son sang et ses biens sont licites, et que il est exclu de la communauté, et que ses œuvres toutes sont annulées. Toutes. Et le asrar, Tazkour, le mineur, c'est quoi la différence entre le majeur et le mineur dans les conséquences? Shirk asrar, ça c'est des trucs qu'il ne faut jamais les oublier, ça c'est super important de connaître. Non, il ne sort pas de l'islam. Oui, ça, ça. Shirk, autre que shirk, la tawbah, c'est une chose qui est demandée. Mais ça, c'est pas là la différence qu'il y a entre les deux. Shirk akbar aussi, ou faire tawbah. Maintenant, on veut savoir la différence qu'il y a entre les deux. Ndek Maluhu, damu, son haram. Non. Et il n'est pas châtié éternellement. Il en reste un. Il dit qu'il ne sortait pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Ses biens et son sang restent licites. Il sera jeté au feu partiellement si jamais. La foi ne sont pas nés. On ne dit pas comme ça. Oui, ce que tu dis c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Parce que tu n'as même pas la précision qu'il faut connaître. S'il n'a pas fait de shirk akbar. Il a la porte. L'œuvre dans laquelle ce shirk asral aura, ah, aura été accompli, si par exemple c'est de l'ostentation, ça annule cette œuvre-là seule. D'ailleurs, donc le shirk asral, le mineur, celui qui tombe dedans, ne sort pas de l'islam, mais il est sur un grand danger. Il sera châtié s'il meurt dessus sans en faire tawba. Et que ce shirk, si jamais il a été mélangé à l'adoration, cette adoration sera annulée. Seul, et pas le reste. Et comme je le répète souvent, si vous regardez bien, le shirk est le péché le plus grand, bien sûr, et le plus répandu sur Terre. Il y a plus de shirk que de meurtre. Il y a plus de shirk que de vol. Il y a plus de shirk que de fornication. Il y a plus de shirk que de consommation de substances enivrantes. Il y a plus de shirk que de mensonge. La yaslam minhu illa man wafaqahu Allah wal mu'min khalis. Personne n'y échappe, hormis celui à qui Allah ordonne le tawfiq, qu'il s'agit du croyant, sincère et surtout, basir, instruit. Car le shirk, tu peux être un croyant sincère et être confronté à tomber dedans sans t'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'il faut être basir, il faut être clairvoyant, il faut apprendre. Le tawhid, il faut l'apprendre impérativement. Et justement, et non seulement on dit que le shirk est le péché le plus répandu, mais on va dire que le tawhid, c'est l'une des sciences les plus méconnues. Chez les musulmans, je parle même pas des koufars. Ça, c'est vraiment la plupart des musulmans, le tawhid, ils sont pas, le tawhid. Ils n'appellent pas le tawhid. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Parce qu'ils réalisent pas l'importance de ce sujet-là. Et ils pensent que c'est une chose qui est simple à comprendre, comme ça. Tu vois. On dit, le tawhid, alhamdoulilah, c'est une chose qu'Allah a rendu facile à comprendre. Mais il y a plein de tafasils, plein de branches à étudier. Et malheureusement, les gens ne s'y attardent pas assez. Ils ne donnent pas assez d'importance. Souvent parce qu'ils s'imaginent que ça ne leur apporte pas un grand profit. Et si le tawhid, c'est une chose qui en réalité ne se voit pas. S'entend toi, Allah Azzawajal. Contrairement à d'autres sujets que tu vas apprendre, la langue arabe, ça va s'entendre quand tu parles. Le fiqh, ça va se voir quand tu fais des adorations. Tu vois? Donc ils sont plus les gens à même de vouloir apprendre des choses qui se voient. Mais le tawhid en lui-même, c'est une chose qui est vraiment, comment dirais-je, c'est un ressenti en premier lieu. Après, ça se voit à travers tes actes. Mais je veux dire, quand tu fais un siyam, par exemple, ou tu fais du shirk dans une adoration, ça va pas se voir, forcément, c'est les gens. C'est ton ta'alluq, de ton cœur. Les gens, par exemple, des fois, ils vont faire une salat, ils auront de l'ostentation. Ça peut forcément se voir aux yeux des gens. C'est pas tout, il va voir les gens, Foulen, il fait la salat, mashallah, belle voix et tout. Mais il sait pas qu'il est en train de faire ambulance sa voix pour qu'on dise, ah, il a une belle voix, lui. Ça, c'est pas apparent. Les gens qui vont faire des choses, ils vont faire talab al-ilm, ils vont prendre la science pour qu'on dise, il est savant. Tu vois, comme dans le hadith, les trois premiers qui seront interrogés, ils seront le savant, l'homme riche et le combattant, fisabilillah. Et Allah, il interrogera le savant. Pourquoi as-tu appris? Il a dit pour que j'enseigne aux gens. Il a dit non, tu as appris, pourquoi dis-tu que tu es savant? Et les gens l'ont dit. Il a jeté en enfer. Ça demandait à l'homme riche. Tu vois, t'as fait quoi de l'argent? Il a dit, j'ai fait ça d'accord pour toi. Il a dit non, t'as fait ça pour qu'on dise que tu es généreux. Et les gens l'ont dit que tu es généreux. Après, il se fait jeter en enfer. Et le combattant, Allah lui demandera pourquoi tu as combattu. Il a dit pour toi et Allah. Il a dit non, tu as combattu pour qu'on dise que tu es courageux. Et les gens l'ont dit que tu es courageux. Au feu. Car tout ça, ça ne se voyait pas en apparent. Le savant, les gens ne voyaient pas ça en apparent. Le riche, les gens ne voyaient pas ça en apparent. Et le combattant kazalik, c'était dans leur cœur en premier lieu. Donc ça commence par le cœur. Et après, des fois, c'est vrai qu'il y a des indices qui peuvent... par ces indices, on peut déceler que la personne ait un manque d'ikhlas dans ce qu'elle fait. Il y a des gens, ça se voit un peu. Par exemple, le munafiq, le Nabi Sallam, a donné leur signe. On en a parlé hier. Qui sont-ils? Munafiq, Amali. S'il parle, il ment. Lorsqu'il donne une parole, il ne tient pas. Non, mais il ne tient pas sa promesse. Lorsqu'il jure. Le serment n'entre pas dedans. Il se voit à Khalafa. Vous êtes Oumina Khana. Lorsqu'on lui confie un dépôt. Il ne le respecte pas. Wa l'akhir, il est khasama fajara. Lorsqu'il entre en divergence, en litige, il est outrancier. Donc les gens, des fois, qui n'ont pas de khalas, tu verras des choses, ils aiment les éloges, ils aiment se montrer. Tu vois, des choses comme ça. Tu vois, des signes, des fois. Certaines personnes. Qu'il y a un khalal, une défaillance au niveau de l'ikhlas. Wa l'azubillah. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il a dit qu'il a dans le corps un bout de chair, lorsqu'il est vertueux, tout le corps se le sera. Si Amil est mauvais, tout le corps le sera. Donc ça veut dire que ça apparaît des fois. Mais c'est pas forcément tout le monde qui le verra. Naam. Thumma qal mas'ala, très importante, et qui a causé tant de polémiques, et qui en réalité est très facile. Yaqul fa'idha qila lak ما حكم تصوير ذوات الأرواح. Si on te demande quel est le jugement de la création des représentations de ce qui possède une âme, des images imagées, et ça rentre dedans le dessin, ça rentre dedans sculpté, ça rentre dedans photographié, ça rentre dedans filmé, tout ça. En arabe, tout ça s'appelle taswir. Ça rentre dans le même mot. Sawir, ça peut être dessiné, ça peut être sculpté, ça peut être filmé, photographié. Quand quelqu'un prend son téléphone portable, il filme, you call you sawir. Quand il prend une photo, on dit you sawir. Quand quelqu'un fait une statuette, you sawir. Et quand il dessine, you sawir. Ou min asma'illa al-musawir, celui qui donne forme. Min asma'illa al-musawir, c'est-à-dire celui qui donne une forme. D'accord ? Donc il dit فَقُولْ تَصْوِيرْ ذَوَتْ الْأَرْوَاحِ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Ces représentations imagées sont parmi les grands péchés. Parmi les grands péchés. Et الدليل هو حديث ابن مسعود. Les adillah, il y en a près de 17 de hadith authentiques clairs qui interdisent de faire cela. D'accord ? Ils sont nombreux, les hadiths. Il dit Inna ashadda an-nas 'adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Certes, les gens les plus châtiés, qui auront le pire châtiment le jour de la résurrection, sont les créateurs d'images. Al-musawwirun. Musawwir, c'est le ism fa'il de sawwar al-sawwir, c'est-à-dire celui qui fait des images. Et le musawwir, le caméraman, on l'appelle musawwir. Le photographe, on l'appelle musawwir. Le dessinateur, on l'appelle musawwir. Le sculpteur, on l'appelle musawwir. Donc les gens qui disent ça oui, ça non, on dit en arabe, il n'y a pas de différence, c'est le même mot. Et le hadith, il est mutlaq. Comme on dit, il est catégorique. Il dit musawwir, sans faire de divergence. Donc le fait de dire que différencier entre dessiner et photographier, il n'y a pas de différence. La langue arabe le refuse et la dilet le refuse. Ça, c'est un ijtihad de certains savants. Et ils ont tort dans cet ijtihad. Et que les gens choisissent cela car ça les arrange. Prendre le téléphone, filmer, prendre le caméscope, bon, caméscope il n'y a plus maintenant, je pense. Filmer, faire des conférences, filmer, faire plein de vidéos. Tu vois, avec les nouveaux tatbiqat qu'il y a, comme on appelle ça, applications, les Snapchat, les Instagram, toute la ribambelle d'applications. C'est que de la vidéo. Donc les gens, ils aiment ça. Donc il y en a plein d'entre eux, ils vont dire, bah, je prends la vue que les savants disent qu'on peut. On dit, si tu te trompes dans cette avis-là, c'est pas une masala fiqhiya dans laquelle le khilaf il est permis dans ça. Si tu te trompes, c'est pas grave. T'as fait un ijtihad. Tu te trompes, tu tombes dans quoi? Dans les kabaïr. Et tu t'exposes à avoir le pire des châtiments. Pourquoi? Pour avoir voulu photographier une chose qui ne te sert à rien du tout. Photographie ton père, ta mère, ton bébé, les frères. Tu vois, ça t'apporte quoi? Rien du tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré chez Aïcha, qu'il a vu sur les rideaux les images, et qui s'est mis en colère, il a dit quoi comme illa, comme cause? Innaha tuzakkirni bid-dunya. Elle me rappelle ce bas monde. Donc quand tu prends une photo de ton père, c'est quoi le but? Tu rappelles ton père. De ton enfant, tu rappelles ton enfant. Une photo de Foulaine, tu rappelles lui. La Mirsam l'a dit, ça me rappelle la dunya. Il a déchiré les rideaux. Et nous, on vient en photographie, on dit non, c'est mon père, c'est ma mère. On dit ouais. Tu khalaf non seulement les preuves qui disent qu'il ne faut pas photographier au bureau, et en plus, tu rentres dans la chose que Nabi Sallam a voulu éviter. Te rappeler de la dunya. Car ça rentre dans ton cœur. Après, des fois, tu es là, tu as nostalgie, tu regardes ton téléphone, tu regardes les vacances avec un tel, telle chose. Ça te rappelle quoi? La dunya. Ça fait pas monter ta foi, ça. Ça te raccroche à la dunya. Et le jour où il faudra la quitter, cette dunya-là, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que ton cœur, tu l'auras accroché à cette dunya-là. Par quoi ? Par ce genre d'actes qui, à la base, sont eux-mêmes sont illicites. Et il dit, dans le hadith de Abu Juhayfa, « قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والدم ولعن المصور » Qu'il a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit le prix du chien, c'est-à-dire on ne vend pas un chien. Le prix du sang, on ne vend pas du sang également. Et qu'il a maudit les créateurs d'images. Al-la'na, c'est-à-dire quoi al-la'na ? يعني هذا طرد العبد عن رحمة الله. Le fait de sortir la personne de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La'na, c'est une chose qui est grave. Et que le Nabi Sallam, il l'a maudit. Ainsi qu'Allah Azza wa Jal, ils ont maudit ceux qui façonnent des images. Et là vient la question, un point que beaucoup négligent dans cette mas'ala, le chef l'a cité. Il dit فإذا قيل لك فما تعلق تصوير ذوات الأرواح بالشرك. La dimension de demande, quelle est la relation entre la création d'image, de ce qui pourrait être une image, une âme, et le shirk. Pourquoi on cite ça maintenant, là, dans ce sujet-là? Dans Kitab Tawhid, l'auteur, Mohamed ibn Abdul Wahhab, il a cité Bab Taswir, dans Kitab Tawhid. Ça, c'est rattaché au Tawhid, cette masala-là. C'est pas rattaché à, ça vient au Tawhid. Les gens aussi, pour te dire que quand on parle de Tawhid, les gens, ils sont pas vraiment, tu vois, ils sont pas assez, on va dire, attentifs. La preuve, ils filment à tout va, ils photographient à tout va, ils disent Tawhid, tu dis pas Tawhid, t'as un problème. Ils vont dire, oh, mais Shiratel a un problème aussi. Shiratel, peut-être qu'il a fait un ishtihad dans des ahadiths. Mais toi, non. Tu vois? Et Shiratel, en plus, je pense pas qu'il ait Snapchat sur son téléphone ou Instagram ou ce genre de choses, celui qui permet les photographies. Tu vois? Et je pense pas qu'il va faire, il va photographier son père, sa mère, son chien. Ou autre. Même s'il le permet, il va pas aller aussi loin que les gens qui écoutent sa fatwa. Ils vont pas aussi aller au ulama. Quand ils le permettent, c'est pourquoi? Peut-être pour une conférence pour le ilm. Tu vois? Et même ça, on n'a pas besoin. Comme les chers Bani, on n'a pas besoin de ton image, on a besoin juste de ta voix. Quand tu fais un ders, pas besoin de te voir. Si on veut te voir, qu'on vienne te voir. C'est ça le fort de les salaf, ils parcouraient des kilomètres pour rencontrer le ulama pour un hadith. C'est ça le fort de voir Alim, c'est d'aller le voir, de se déplacer pour aller le voir. Mais maintenant, tu prends YouTube, hop, ah, j'ai vu chez un tel. Là, t'as plus envie d'aller là où il est pour le voir. Je le vois tout le temps. Tu perds de, ça perd de sa valeur. Quand quelqu'un tu ne vois pas, t'as envie de le voir. À quoi il ressemble, comment il est. Tu vois? Ben là, maintenant, c'est fini, t'as plus ça. Pourquoi? Parce que tu le vois directement. Sur le téléphone, ou sur la tablette, ou sur la télévision, ou autre. Le Nabi Sallam, est-ce qu'on l'a vu? On l'a pas vu. Et pourtant, après Allah Azza wa Jal, la vision là que Allah accordera aux croyants, ce qu'on aurait aimé plus voir en ce moment, c'est lui. C'est quoi le fadl d'un sahabi, un compagnon? C'est quoi son mérite? D'avoir vu le Nabi Sallam en ayant cru en lui. Le simple fait qu'un homme ait vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahabi, en étant croyant. Juste, même il a vu de loin. Il y avait une zahma, il y avait une foule. Il a assisté, par exemple, au Hajj al-Wada', au Hajj d'Adieu, il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au loin, c'est un sahabi. Il y en a, c'était des bébés. Ils n'ont jamais parlé avec lui, ils n'avaient pas d'aql, ils ont dit ça, c'est un sahabi. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été prouvé qu'il a vu, il a pu le voir, on va dire, tu vois. Les gens disent, on l'a vu, l'enfant, il a regardé, tu vois, par exemple. C'est un sahabi. Sahabi, ouais. A'la martabat fil insan, c'est le plus haut niveau qu'un homme puisse avoir, sahabi. Pourquoi? Il a vu le Nabi sallam, même s'il n'a pas parlé, même s'il n'a pas touché, même s'il n'a pas entendu, il l'a vu, il est croyant, c'est un sahabi. À partir de là, il est parmi les meilleurs des hommes. D'accord? Donc, si vraiment le fait de voir était si important, on aurait des choses qui nous auraient permis de le voir. Mais non. Et c'est ça justement qui montre encore plus l'iman, c'est que tu crois parce que tu n'as pas vu. Allah, est-ce qu'on l'a vu? On n'a pas vu Allah Azza wa Jal. Mais on espère le voir, Yomil Qiyam. Et Nabi Sallam, est-ce qu'on l'a vu? On n'a pas vu. D'ailleurs, il a dit, Nabi Sallam, il a dit, Ashabi, Ashabi, j'aimerais voir mes compagnons. Ou plutôt mes frères, à fond, mes frères. Le Sahaba, il a dit, Alasna Ikhwanak, nous ne sommes pas tes frères. Qala antum Ashabi, Ama Ikhwani, Alazinahum Samiu'anni, Wala Mirkaubi, Wa Amanubi. Il a dit, vous êtes mes frères, vous êtes mes compagnons. Mais mes frères dont je parle sont des gens qui ont entendu parler de moi, qui ne m'auront pas vu, qui vont croire en moi. Tu vois, ils vont croire en moi. Donc c'est un fadl qui est azim. Donc il dit, فَقُولْ إِنَّ التَّصْوِيرْ خَلْقْ يَكُونُ بِهِ مُصَوِّرْ مُدَاهِيًا وَمُشَارِكًا لِلَّهِ عَزَوَجَلْ. Il a dit car le fait de façonner cette image, cela s'appelle une création. Il y a un hadith qui va le dire. Allah Azza wa Jalla l'a appelé à cela une création. Donc, celui qui cette image-là tente, qu'il se rende compte ou pas, tente de ressembler à Allah dans le fait de créer. Et ça, c'est une chose qui excuse le fait de créer, la création mutlaq, on va dire. Parce que on peut employer le mot créer pour autre que la création d'Allah Azza wa Jalla. Tu vois, comme a dit Ta'ala, Tabarakallahu Ahsanul Khaliqin. C'est-à-dire que Allah est le meilleur des créateurs. C'est-à-dire qu'il y a autre que lui qui peut être créateur. Mais c'est une création qui est, elle, qui est partielle. Allah Azza wa Jalla, il crée du néant à tout, alors que nous, on fait que des assemblages, en fait. Là-bas, c'est la première, on n'a pas créé. Tu vois. On a assemblé des choses, on a, en français, on peut dire le mot créer. Par exemple, quelqu'un va dire, moi, j'ai créé cette chaise. Oui, mais le bois, c'est toi qui l'as créé, le bois? Non. Et le métal par lequel se composent les clous, c'est toi qui les as créés? Non. Non, toi, t'as fait que assembler. Mais on peut dire créer, c'est permis. D'accord? Mais la création dont Allah Azzawajal parle, c'est une création qui amène une chose dans laquelle il y a un souffle de vie. D'accord? Contrairement aux choses qui sont elles, inertes comme les objets. Donc il dit que l'image est une création avec laquelle le créateur d'image se compare et s'associe à Allah par son acte. Et le dalil, c'est le hadith de Aïcha. Pareil, dans l'application, il n'y est pas. Ils ne l'ont pas mis. L'original en arabe. Khalid Jido. Taïeb. Hadith Aïcha. قال أشد الناس نعم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهون بخلق الله. Il a dit Nabi Salam que les gens qui ont le pire châtiment le jour de la résurrection, ce sont ceux qui veulent égaler la création d'Allah Azza wa Jal. Al-Mudaha, c'est le fait de vouloir ressembler à une chose. Même si tu ne veux pas Allah Azza wa Jal, dans un hadith, il a dit Man azlam miman. Dans le hadith, j'oublie le terme. Yudahinuni yakhluq kakhalqi. Fiadal ma'ana. Il a dit, qui donc est plus injuste que celui qui veut ressembler, qui veut tenter de ressembler à mon acte et qui veut créer comme moi je crée. Donc Allah Azza wa Jalla a appelé cela le taswir d'une création. Quelqu'un va dire, non, moi je cherche pas, juste je veux. Allah, ce que tu fais là, juste cela comme étant une création. Cette chose-là ne revient qu'à lui. Tu n'as pas le droit de le faire. D'accord? Car quand tu photographie, qu'est-ce que tu fais? Tu figes une image. Tu veux la rendre présente. Tu veux la conserver. Sinon, il n'y a pas d'utilité. C'est comme un dessin. Tu vois? Les gens disent, ouais, mais le dessinateur, c'est un artiste. Ah, le photographe, c'est pas d'artiste aujourd'hui. Ils te font des photos, tu deviens fou. Maintenant, on te fait des montages. C'est un artiste. C'est un autre domaine. Mais ça reste toujours le fait de représenter une création. Maintenant, ce qui est interdit dans le taswir, c'est tout ce qui a une âme, c'est-à-dire une tête. Et dans un hadith, c'est venu que Jibril a dit au Nabi Sallam de couper la tête, car il avait une statuette à l'entrée de sa maison. Il lui a dit, coupe la tête, pour qu'elle prenne la forme d'un arbre. Donc ce qu'il faut, c'est couper la tête. Pas enlever les yeux, le nez, la bouche, c'est couper la tête. Quand on est, ils effacent le visage. Il dit, khalas, dis non, la tête, elle est là. Le hadith dit pas, tamsah al-waj, le taqta al-ras, tu coupes la tête. Faut pas qu'il y ait de tête. D'accord? Faut pas qu'il y ait de tête. Maintenant, représenter des choses qui n'ont pas d'âme de base, des objets, voitures, végétation, t'as le droit. Mais tout ce qui est être humain, animaux ou autre, insectes, tout ça, là, mais y a des choses. C'est pas permis. Et dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala. Ah bah, c'est là, il est là le hadith. Je me suis pris la tête et si je me rappelle, il était là. Subhanallah. Non. Et qui donc est plus injuste que celui qui veut créer comme je crée. Donc ce hadith-là montre que Allah Azza wa Jal considère le fait de faire le taswir comme étant un khalq. Et ça ne demande pas que tu aies niya d'avoir voulu le faire ou pas. Allah l'a jugé cela comme étant khalq. Et on répète, comme on le dit souvent, la base du shirk. Elle a commencé comme cela, que des gens ont façonné des images de, gens, de personnes pieuses. D'accord? Au début, c'était pour se rappeler d'eux, pour se être plus actif dans l'adoration. Et de génération en génération, les gens ont oublié la cause de ces images. Je sais pas si c'est des statues ou des dessins, on sait pas. C'était juste Taswir, écrit Taswir, tu vois. Pour dire, on sait même pas. Taswir, c'est général. Soura, c'est général. On traduit par image et ce genre de choses. Et par la suite, les gens se sont mis à adorer ces images ou ces statues. Le cheikh a commencé comme ça. On roule dans les salihin, l'exagération dans les gens pieux, le djahel, l'ignorance, et le taswir. Donc les gens disent, c'est quoi le rapport avec le cheikh? Voilà le rapport. Le cheikh a commencé comme ça. Donc quelqu'un qui est attentionné au tawhid, qui fait attention, quand bien même il serait pas convaincu que ça, il l'évite. Tu vois? Comme quand le Nabi sallam, وَمَنْ تَكَشُبُوَتْ فَكَدْ تَبْرَى لِدِينِ وَعَرْدِي. Celui qui a évité les ambiguïtés, il s'est innocenté dans sa religion. Vous voyez? Et dans son honneur, sa dignité. Évite au minimum. Tu vois que c'est pas clair, il y a un khilaf, vas-y. T'as besoin en quoi de photographier? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quand c'est un truc obligatoire, comme les papiers, là t'as pas le choix, on te l'impose. D'accord? Passeport, permis de conduire, carte d'identité, ça, on te l'impose. T'as pas le choix. Mais en dehors de cela, le reste, t'en as pas besoin. Pourquoi tu vas t'exposer à une divergence dont le résultat délaissé est plus prudent pour toi et transgressé ne va rien t'apporter en réalité. Ça va rien t'apporter de filmer ou de photographier quelqu'un, rien du tout. Rien. Et pourtant, malgré cela, les gens ils sont à fond dedans. Et ces téléphones-là, c'est une grosse fitna. Car maintenant, ils te permettent de faire tout cela. À fond. Malheureusement. On peut en parler, on a parlé souvent de ce sujet-là. Vous voyez, pour pas encore s'attarder, et pour te dire que l'auteur, il a mis ici. C'est pas pour par exagération, car c'est lié au tawhid. Et dans le kitab tawhid, il y a également. C'est lié au tawhid, ce sujet-là. T'as même écrit, il y a plein d'ahadiths qui citent cette mas'ala-là. Naam. Khalas, c'est là que t'as fait bien d'al-qadr al-yom. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah ouais, quand même. C'était long. Le mot Daraba, là, il a un autre sens dans ce hadith. Qui se met à...